Chapitre 34e, les points sur les i. Dutilleul avait préféré passer la nuit à l'appartement. Il avait porté son costume au pressing et pris un léger somnifère, histoire de ne pas passer la nuit à ressasser. Henri Castex ne l'avait pas loupé, mais il l'avait mérité. En fait, il en était presque content. Tout d'abord parce qu'il avait effectivement eu besoin d'une bonne gifle pour se remettre d'aplomb, mais surtout parce que son chef était bien plus en forme qu'il ne le pensait. Il avait retrouvé un instant Castex gueule de fer, celui qui, dans ses grands jours, était capable de faire trembler les murs du commissariat. Et ce n'est pas tant le fait qu'il criait fort que les vérités qu'il était capable d'asséner. Dutilleul avait toujours apprécié la lucidité particulière de Castex. Elle lui était utile, car elle lui permettait de se relancer quand il était coincé quelque part, comme maintenant. Dutilleul se coucha tôt et s'endormit presque aussitôt. Ce fut une nuit sans rêve déplaisant. Le grand con n'aurait certainement pas approuvé cette forme de fuite, mais Dutilleul s'en fichait complètement. De toute façon, son géniteur avait toujours désapprouvé le moindre de ses actes. Pour Georges Léonce Dutilleul, son fils n'était qu'une extension aussi embarrassante qu'encombrante de lui-même. Dutilleul avait rapidement appelé Mado pour lui dire que le nouveau costume avait fait une entrée remarquée. Il était parvenu à ne pas entrer dans les détails et il en était heureux. Il se sentait apaisé à présent et n'avait nulle envie de revenir sur sa journée. Mado proposa de venir le rejoindre en toute fin de soirée, mais il déclina. Il avait besoin de récupérer. Castex, une fois de plus, avait raison. Il fallait à tout prix préserver la viande. Je n'aime guère que l'on me mène en bateau, monsieur Boucharif, tonna Dutilleul dès son arrivée à Fleury en guise d'introduction. Malik Boucharif le regarda, profondément effaré, car Dutilleul n'était pas connu pour crier souvent. Dutilleul n'en poursuivit pas moins. Vous m'avez honteusement menti, monsieur Boucharif, au moins à deux reprises, ce qui fait beaucoup. Non, n'essayez pas de vous défendre. Pensez-vous vraiment que c'était la chose la plus intelligente à faire? Je veux bien essayer de dénicher l'assassin de Marion Chardy, mais encore faut-il que les éléments sur lesquels je puisse m'appuyer ne soient pas tronqués ou déformés. Pourquoi, par exemple, ne pas m'avoir dit que vous aviez vu Maître Vérel? Boucharif détourna la tête, mais Dutilleul décida de ne pas céder. Parlez-moi de cette entrevue, insista-t-il. Malik Boucharif rougit, tel un gamin pris en faute. En fait, y a pas grand-chose à en dire. J'ai bien senti que pour ce Cador, je n'étais qu'une merde. Il tiquait grave sur le fait que j'avais un casier. Il ne croyait pas que j'aimais sincèrement Marion. Peut-être n'avait-il pas tort. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Maître Vérel, un grand professionnel qu'il est, l'a senti tout de suite. Les oiseaux dans votre genre, il les repère à des kilomètres. Il est payé pour cela. Il vous a mis à l'épreuve et vous êtes montré incapable de résister très longtemps. Pensiez-vous vraiment qu'il était intelligent de votre part de demander à Marion d'acquérir cette énorme télé? Vous imaginiez-vous un instant que cela allait passer inaperçu dans les dépenses de Marion? Maître Vérel connaissait parfaitement les besoins de sa pupille. Comme je vous l'ai déjà dit, il était payé pour le savoir. Quand il a reçu la facture, il a tout de suite compris que vous l'aviez manipulée. Et inutile de vous dire que la chose lui a fortement déplu. Il a su qu'il ne pouvait pas vous faire confiance, qu'en dépit de toutes vos affirmations, vous n'étiez pas pleinement sincère. Je n'ai pas manipulé Marion, se plaignit Malik Boucharif. Je sais que j'ai commis une erreur en lui faisant acheter cette télé, mais je voulais juste suivre le foot. C'est tout de même pas un crime. Pourquoi en a-t-il fait tout un fromage? C'est pourtant quelque chose de banal aujourd'hui. C'est faux, et vous le savez pertinemment. De plus, vous ne vous êtes pas contenté de cette unique manipulation. Vous vouliez aussi vous immiscer dans les affaires de CM Process. Malik Boucharif se rebiffa devant cette nouvelle accusation. C'était l'argent de Marion. Il était normal qu'elle s'y intéresse un moment ou un autre. Elle le désirait. L'a-t-elle dit aussi clairement? Demanda froidement Dutilleul. Peut-être pas, mais je pense qu'il le fallait. Après tout, il s'agissait de son avenir. Vraiment? Ne s'agissait-il pas plutôt du vôtre? C'était la même chose, répliqua faiblement Malik Boucharif. Non, et là aussi, vous n'avez pas joué franc jeu. Vous avez tenté d'agir en sous-marin, mais sachez que la manœuvre n'en était pas moins grossière. Marion n'a jamais souhaité réclamer des comptes, comme vous me l'avez affirmé lors de notre premier entretien. En fait, cet argent la mettait mal à l'aise, car elle ne parvenait pas à se l'approprier pleinement. Sans doute même lui faisait-il peur, car elle savait ce qu'il représentait, raison pour laquelle elle désirait que Maître Vérel continue à gérer ses biens pour 3 années supplémentaires. Ce n'est pas vrai. La Marion que je connaissais n'aurait jamais fait cela. Pourtant, les papiers ont bel et bien été signés dans ce sens. Le fait est indiscutable. Vous n'iriez pas jusqu'à soutenir que Maître Vérel a produit un faux document? C'est un homme reconnu pour sa grande moralité dans sa profession. Cela aurait pu, répliqua Malik Boucharif, qui ne s'avouait pas encore vaincu. Allons, vous savez très bien que non. Marion m'a trompé. La faute à qui? Celle-ci vous incombe entièrement. C'est elle que vous avez trahie, non l'inverse, comme vous tentez désespérément de me le faire croire. Seulement là, mon gaillard, ça ne prend pas. Marion a ouvert les yeux lors de l'épisode de la télé. Elle a dû voir votre vrai visage et comme ce n'était pas franchement joli, elle a dû se sentir plus seule que jamais. Avez-vous seulement pensé à cela, monsieur Boucharif? Votre arrestation un peu plus tard, puis votre condamnation ont été la cerise sur le gâteau. Marion a dû se sentir définitivement flouée. Savez-vous ce qu'elle a ressenti de l'aveu même de Maître Vérel? Elle se sentait coupable et idiote de ne pas avoir vu clair dans votre jeu. Le coup sembla enfin porté. Malik Boucharif s'affaissa. Sincèrement, je ne voulais pas en arriver là. Je sais que j'étais en dessous de tout, mais mettez-vous un instant à ma place. Cette gamine dormait sur une montagne d'or. Elle ne s'y intéressait même pas. Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre. J'ai cru... C'est bien ce que je disais, se permit de triompher du tilleul. Vous vous êtes dit qu'il était temps de prendre les intérêts de Marion en main, puisque vous y auriez trouvé votre compte. Seulement, vous avez juste oublié une toute petite chose qui pourtant a toute son importance. Laquelle? Interrogea Malik Boucharif, visiblement surpris. Mousseron, pardi. Pensez-vous sincèrement qu'il vous aurait laissé faire? L'homme, croyez-le bien, est d'une toute autre trempe que Marion. Un type un peu dans votre genre, qui ne se laisse pas étouffer par les scrupules. Sauf que lui est une ordure véritable. Ce que vous pourriez bien devenir dans quelques années si vous n'y prenez pas garde. Il ne me connaissait même pas. Il n'en était pas moins au courant de votre existence. Et à la différence de vous, il s'est toujours bien gardé de commettre le moindre acte répréhensible. L'homme a 2 choses qu'il vous reste visiblement à apprendre. Tout d'abord, il est extrêmement intelligent et surtout, il sait se montrer patient. Il n'a même pas besoin d'être un vulgaire combinard dans votre genre, puisque d'une manière ou d'une autre, vous ne le gêniez en rien. Dernière chose, vous pouvez être sûr qu'il n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec la mort de Marion. « Moi non plus !» s'énerva Malik Boucharif. De près, c'est établi, mais pour ce qui est de loin, qu'en savez-vous? Je souhaite vraiment de tout mon cœur que vous n'ayez rien à voir avec cette mort, certainement stupide, car vous ne cesseriez ensuite de vous le reprocher. Boucharif se mit à pleurer doucement. Je vous le jure, dit-il, je n'y suis pour rien. C'est vrai, j'ai déconné, mais je n'aurais jamais fait de mal à Marion. Elle était trop jeune, trop innocente. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Dutilleul n'était pas là pour s'attendrir. Le temps courait et l'entrevue était déjà presque terminée. Je voudrais à présent que l'on reparle du scooter. Ce maudit scooter, dit Malik Boucharif avec amertume. Où était-il garé? S'entêta Dutilleul. Pratiquement sous mes fenêtres. C'est comme ça que je l'ai repéré. Bien sûr, ce n'était pas le dernier cri, mais j'avais tellement envie d'aller faire un tour. Avec sa fourche tordue, j'ai pensé qu'il ne manquerait personne. En plus, il était assez crado. J'ai cru que quelqu'un s'en était débarrassé. Pourquoi teniez-vous tant à vous échapper alors que je vous croyais gentiment en couple avec Marion Chardy? Vous ne vous plaisiez plus dans votre cité? Pour un cador tel que vous, la vie ne devait pourtant pas être trop pénible. Ne vous moquez pas, c'était plus aussi cool. Comment cela? Bah, c'était plus pareil. Au début, j'ai pas fait attention. C'était de telles conneries. Quelles conneries? Des rumeurs. Comme quoi j'aurais pris plus que ma part lors de 2 ou 3 affaires et que je revendais la marchandise pour mon propre compte. C'était vrai? Bien sûr que non. Je n'ai jamais volé la cité. Admettons. Quelles étaient les marchandises en question? Malik Boucharif rougit. Il n'avait jamais imaginé qu'il puisse un jour se confesser si facilement à un flic. Du tilleul fut-il. Les conneries habituelles, des portables, de l'électroménager, des ordinateurs, des chenifi. On a fait deux ou trois coups pas mal, mais ma part était tout ce qu'il y avait de plus régulière. Quand a commencé la rumeur? Je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, j'ai pas vraiment fait attention. J'étais tellement content d'être avec Marion. Au fait, pourquoi ne pas lui avoir fourni une télé? J'imagine que c'est le genre d'article qui tombe facilement du camion. Malik Boucharif rougit de plus belle. Je voulais pas qu'elle ait des emmerdes à cause de moi. Vraiment? Allons, monsieur Boucharif, encore un petit effort. Ben, faut-il que je vous aide? N'est-ce pas plutôt parce que vous êtes souvent bien gardé de l'informer de vos coupables activités? C'eût été trop bête de brouiller la belle image qu'elle se faisait de vous avec de telles broutilles. Il vous fallait absolument demeurer le joli cœur un peu rebelle qui lui plaisait tant, et non le banal voleur de cité que vous aviez choisi d'être. Je ne vous permets pas. De toute façon, Marion disait qu'elle s'en fichait. Jusqu'où, croyez-vous? Vous saviez mieux que quiconque que la façade devait à tout prix demeurer présentable. Vous n'étiez pas sans savoir qu'elle aussi avait des comptes à rendre, qu'elle était surveillée de près. Mais ne revenons pas sur le sujet. Qui vous a alerté sur les propos qui se tenaient sur vous? Brahim. Il était sincèrement inquiet. Comme je l'ai toujours écouté, j'ai voulu faire plus attention, seulement c'était trop tard. Ça commençait vraiment à puer. Comme je ne voulais pas qu'on s'en prenne à Tassadit ou à Samia, j'ai préféré lever le camp au plus vite. C'est là que, comme par miracle, le scooter libérateur est apparu, ironisa Dutilleul. Vous pouvez rire, mais ce n'est pas loin. Bien sûr, j'ai tout de suite vu qu'il avait déjà bien servi, mais je m'en moquais complètement. J'ai patienté 2 jours et je l'ai pris. Le réservoir était à moitié plein. Je me suis tiré en pleine nuit parce que je ne voulais pas faire pleurer les parents. J'ai roulé comme un dingue, sans casque. Je me sentais tellement bien. Je voulais prendre Marion avec moi, mais je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas la mêler à tout ça. Il aurait fallu s'expliquer. Où avez-vous dormi? J'ai une copine avec qui je n'ai jamais vraiment cassé, qui m'a toujours à la bonne. Étonnante conception de la fidélité. Malik Boucharif tenta alors maladroitement de se justifier. Elle ne comptait pas, elle n'a jamais compté. Elle était en quelque sorte un dépannage, badina Dutilleul. Chaque minute lui rendait le garçon moins sympathique, car il n'avait jamais trop goûté les hommes pour qui les femmes avaient un rôle purement utilitaire. Il l'imaginait plus âgée, sans doute pas très jolie, trop heureuse que quelqu'un s'intéresse à elle, même par intermittence. « J'imagine, reprit-il, que Marion n'était pas au courant du fait qu'elle n'avait pas l'exclusivité de vos faveurs. Je vous l'ai déjà dit, ça ne comptait pas. J'avais seulement besoin de me planquer quelques jours, le temps que les choses se tassent. » « Donc, résuma Dutilleul, la bonne copine vous offre un toit et accessoirement vous ouvre son lit. Que se passe-t-il ensuite ?»« Bah là, franchement, je n'ai rien compris. Ce n'était pas la première fois que j'avais besoin de me mettre au vert. Je pensais avoir aussi bien préparé mon coup que d'habitude, sauf que cette fois, les poulets... Pardon, je voulais dire... » Dutilleul eut un geste d'apaisement. Il en avait entendu bien d'autres sur le sujet. « Pas d'offense, poursuivez. » « Bref, vos collègues me cueillent comme un melon trop mûr. »« Comment ça se passe ?»« Ben, ils sont plutôt cool, mais surtout ils semblent très bien renseignés. » »« Cela vous a surpris ?»« À l'époque, j'avoue que je n'ai pas fait attention, mais maintenant que j'y repense, oui. »« J'ai trouvé bizarre qu'ils se bougent tellement pour un vieux scooter. »« J'ai senti qu'ils avaient vraiment envie de m'alpaguer, mais ils ont été corrects. »« Il y a même un qui m'a refilé une sèche, sans me faire le chantage habituel. » Ensuite, je suis passé devant Fouchard, qui m'en a mis pour 4 mois ferme, sans possibilité de négociation. J'ai fait le fier pour la galerie, mais au fond de moi, je n'en menais pas large. Je savais que je risquais de perdre Marion. Je l'appelais des fois que... Vous ne doutiez de rien. Seulement Maître Vérel n'a pas levé le petit doigt, ça je le sais. J'imagine que les rumeurs de trafic se sont évanouies avec votre incarcération. Tout juste. Mais en sous-main, j'ai chargé Brahim d'enquêter discrètement, parce que je n'aime pas trop que l'on m'accuse de choses que je n'avais pas faites. » Une telle phrase était assez cocasse dans la bouche de Malik Boucharif, mais Dutilleul choisit de ne pas le relever. Qu'est-ce que ça a donné ? Rien, absolument rien. Personne n'était capable de dire d'où c'était parti. Curieux, cette soudaine perte de mémoire. Je ne vous le fais pas dire. Que s'est-il passé quand vous avez été relâché ? Bah, c'est très flou, parce que je me suis mis à fumer comme un malade. Après le meurtre de Marion, je ne m'intéressais plus à rien. Le brouillard total jusqu'à ce que Prêtre ramène sa sale tronche dans le périmètre. Vous connaissez la suite ? Malheureusement, oui. Ne me laissez pas tomber, Dutilleul. C'est vrai que j'ai déconné un max, mais s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. Je vous ai menti, mais comprenez. Je vais essayer. Mais ne vous avisez surtout pas de me manipuler une nouvelle fois, sans quoi je me fais retirer l'enquête, compris ?